On va parler avec Hugues Fouché de la NFL. Salut Hugues. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, moi, d'abord, écoute, on va parler de la. On va parler de, un petit peu de l'actualité dans la NFL. Rapidement, ça fait 20 ans aujourd'hui le fameux match Raiders-Pats dans la neige. Oui. Tu te rappelles, écoute, c'est un match qu'on voit souvent là, dans les archives de la NFL. Là, on voit ça souvent, là, ce match-là. Là. Oui. Et écoute, c'était une autre époque, hein? Tom Brady jouait pour les gens. Il commençait sa carrière en plus de ça. Première année de Tom Brady. Écoute, les attentes n'étaient pas. C'était ça, deuxième année? Oui. Deuxième année, mais première année comme partant, effectivement. Ouais, okay. Mais c'était sa première année comme partant. Mm. Et puis, mais effectivement, là, c'était pas son année recrue. Il avait été repêché l'année d'avant, mais. Écoute, c'était différent. Les Pats n'avaient jamais gagné de Super Bowl. Les attentes étaient basses. Mm. Les Pats avaient fini l'année, ils avaient très mal commencé l'année. Le call, on en parle encore aujourd'hui. C'était-tu un échappé, ouais. Selon toi? Là? Non, selon le règlement de l'époque, c'était quand le corps arrière ramenait le bras vers son corps, quand il était encore dans son geste de passe, quand le bras n'était pas arrêté, même s'il était en train de le ramener vers son corps, c'était considéré encore dans son geste de passe. C'était le toc qu'on appelle. C'était le règlement à l'époque. Ça avait déjà été utilisé, pas souvent, là, mais on le savait que... C'est qu'on voulait pas laisser au jugement de l'arbitre si le corps arrière était vraiment en train de lancer le ballon ou pas. Alors, ce qu'on disait, c'est que tant que le bras bouge, tant que le bras n'est pas arrêté, il est dans son geste de passe. Sauf que ça a donné un résultat complètement absurde cette fois-là. Mm. Le règlement, ils l'ont appliqué correctement, mais ça n'aurait pas... Tu sais, techniquement, va dire, Danny, je me souviens, quand j'ai vu le jeu, pour moi, la saison des Patriots était finie. Là. Je veux dire, j'ai jamais pensé à ce moment-là. C'était un règlement obscur. Tout le monde était sûr que c'était un échappé. Mm. Mais effectivement, quand les arbitres l'ont expliqué après coup, ils l'ont appliqué le règlement correctement. C'est juste que ça a donné un résultat qui n'avait pas de bon sens. Mm. Et puis, pour les partisans des Raiders, c'est tellement décevant de perdre le match de cette façon-là. Mm. En fait, le match n'était pas perdu. Ça a donné lieu par la suite à un placement incroyable. Et ça, on n'en parle pas assez, mais tu peux pas t'enfuir de Adam Vinatieri. Oui. Ouais. Dans la neige, 48 verges dans une tempête de neige épouvantable. C'est un match mémorable parce qu'on parle de ce match-là justement à cause c'était une tempête de neige. Moi, dans la LCF, j'en ai vu des matchs de LCF dans les tempêtes de neige, mais j'en ai rarement vu dans la NFL avec une tempête de neige demain. Puis il y a eu l'échappée que tout le monde parle aujourd'hui. Là, que tout le monde voit ça. Là. Hey, il y a beaucoup d'actualités avant de commencer. D'abord, les Raiders d'Oakland, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est ma deuxième équipe après les Pats. Mike Mayock a été congédié. C'est un petit peu surprenant. Mais surprenant, oui et non. Est-ce que d'après toi, le fiasco du repêchage de 2020, tu as deux choix de première ronde. Le monde qui capote après Logan Mayhew, dites-vous une affaire, c'est rien comparé à ce qui s'est passé avec les Raiders d'Oakland. Eux, ils ont congédié la même année. Puis un choix repêchage dans la NFL, un premier choix, c'est de l'or. Là. Ils ont pas. Henry Ruggs a été congédié après avoir conduit un état d'ébriété. Tue une personne. Damon Arnett fait une vidéo sur Instagram avec des armes puis dit qu'il va faire un carnage. Donc, évidemment, les deux joueurs ont été congédiés. T'ajoutes l'histoire de John Gruden. Est-ce que Mike Mayock a payé pour toutes ces histoires-là? Parce que, quelque part, là, les Raiders, c'est pas si pire que ça, surtout comme saison. Là. Non, absolument. Il a quand même construit une bonne équipe, mais. Ouais. Oui, puis il a manqué aussi, écoute, les autres choix de première ronde, Clelin Ferrell, ça ne se développe pas comme voulu. Mais en même temps, il est allé chercher Max Crosby, je pense, en troisième ronde. T'sais, il a fait des bons choix. Il est allé chercher Hunter Renfrow plus loin dans le repêchage. Il a raté sur Henry Ruggs, mais il a frappé un coup de circuit avec Hunter Renfrow. C'est que, tu sais, c'est un peu l'histoire où finalement il rate avec ses choix de première ronde, mais par contre il fait des bons choix plus loin. Moi je pense que l'histoire de Gruden, il a payé lui aussi pour ça, parce que effectivement c'est quand même lui qui l'a engagé. Il a fait trop d'erreurs au pêchage, mais en même temps je suis d'accord avec toi, si tu regardes son bilan au complet, l'équipe des Raiders est quand même, c'est une bonne équipe là, c'est qu'il a quand même pas juste fait des mauvaises choses. Il a quand même un noyau intéressant au club. Ouais. T'sais, si t'as pas l'histoire de John Jacobs, T'as Renfro qui va être un des bons ailiers rapprochés dans la NFL. T'as Derek Carr qui sera pas mauvais. Par contre, tu peux pas. Deux choix première ronde dans la NFL, là. Absolument. Puis écoute, rappelle-toi aussi le fiasco épouvantable d'Antonio Brown. Ça, t'as pas une bonne idée de sa part. Je pense pour ça aussi. Oui, ils sont. Puis exactement, puis ça a été filmé sur. Écoute, ça, c'est la pire scénario. Ça a été filmé parce qu'il faisait Hard Knocks cette année-là. Alors, ça a été filmé. Tout le monde a vu le fiasco d'Antonio Brown. Alors, ça ne l'a pas aidé non plus. Remarque, il n'est pas tout seul à être tombé dans ce panneau-là. Mais tu sais, avec tout le reste, à un moment donné, je pense qu'il y a eu trop de controverses. Mais moi, j'aime le noyau des Raiders. Je pense que c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction quand même. Puis à quelque part, c'est quand même lui qui a ramassé ce noyau de joueurs-là. Là. C'est que ça, on ne pourra pas lui enlever qu'il n'a pas juste fait des mauvais. Il a pas juste fait des mauvaises transactions, mais mettons que ses mauvais coups ont été très publicisés, malheureusement, pour lui. Puis il y a eu des coups de génie. C'est lui, d'après moi, qui a amené Darren Waller aussi. Tu sais, c'est. Il a fait des bons coups aussi. Il a pas juste fait des mauvais coups. Est-ce qu'il va avoir une autre chance? Je sais pas. Moi, je le vois peut-être faire un retour dans les médias pour l'instant. Il était très bon dans les médias NFL Network. Il était très, très bon à NFL Network. Donc, à surveiller. Hier, j'ai fait un entrevue avec un journaliste de Pittsburgh hier dans Sporting News qui couvre le Sports Illustrated des Steelers. Puis on a parlé évidemment de l'avenir des Steelers avec Big Ben. Et moi, j'ai sursauté un peu parce que. Tu sais, l'avenir des Steelers, c'est ce qu'il voit, lui, à Pittsburgh, et ce qu'il entend à Pittsburgh pour succéder à Big Ben, Kirk Cousins et Kenny Pickett. Pickett, Cousins. Ben, Cousins comme bridge quarterback. En attendant que l'autre soit prêt. J'avais pensé plus Jimmy G plus Pickett, parce que les Steelers n'ont pas le choix. Là. Pickett, c'est un produit local. Il a battu les records de Dan Marino à Pittsburgh. Ils n'ont pas le choix de le repêcher. À ce stade-ci, je vais être franc avec toi, à ce stade-ci, là, c'est sûr que j'ai pas. Je vais revoir là, éventuellement ce que tous les corps collégiaux ont fait. Moi, à ce stade-ci, Pickett, c'est le seul à qui je donnerais un grade de première ronde. Les autres, il y a des corps arrière qui ont des bons bras. Les Liberty, c'est pas assez gros pour commencer. C'est très risqué. Quoique Trey Lance. Je vois pas ça, moi. Ouais, Trey Lance, regarde ce qu'il a fait avec Trey Lance. Puis l'autre, mais Lance était meilleur que le gars de Liberty dont tu me parles, là, parce qu'on part pas. L'autre, j'ai ça. L'autre, c'est comment le corps d'Old Miss. Excuse-moi, son nom m'échappe, mais. Je suis pas un grand fan. Il est pas mauvais, là, mais. Je repêcherais pas ça en début de première. J'aime mieux Pickett. Moi je suis plus je pense c'est le gars que je viserais. Donc pour les Steelers en plus, il est parfait. Comme tu dis, c'est un produit local. C'est un classique, faut qu'il aille le chercher. Puis ils ont besoin d'un corps dans l'intervalle. Donc tu me mets en compétition avec un vétéran. Puis moi, je suis d'accord avec toi, j'aimerais mieux Jimmy G que Kirk Cousins. Personnellement, là, Cousins a des meilleures stats en saison régulière, mais j'ai plus confiance en Garoppolo qu'en Kirk Cousins. Moi, j'irais chercher. Ça serait un bon combo de corps arrière. Ouais. Parce que, oublie pas une chose, les Steelers ont une méchante bonne équipe. Si tu leur avais mis, Big Ben était fini, mais tu leur aurais mis un corps arrière, un bon corps arrière, puis cette équipe-là aurait une chance de faire un bout en série parce qu'ils ont une bonne défense, puis c'est pas une mauvaise équipe de football. Sol, par exemple. Oui, puis ils ont besoin de reconstruire leur ligne à l'attaque, honnêtement. Mais ça se fait, tu sais, si tu peux faire ça assez rapidement, puis pour le reste, la structure est bonne, ils ont des bons joueurs de pose, des skills qu'on appelle, ils sont très bons, ils ont Deontay Johnson, ils ont Smith Schuster qui est revenu, ils ont un bon porteur de ballon, Najee Harris, ils ont une bonne défense, il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Sûr. On va y aller maintenant avec les matchs éliminatoires. Oui. Moi, je suis un peu déçu des matchs éliminatoires en fin de semaine. Par les Raiders, puis Cincinnati, puis San Francisco, Dallas, le reste. Là. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est la première année qu'on avait les Wildcards. Est-ce que c'est une bonne idée, deux équipes de plus en série? Je suis pas sûr, moi. T'as au moins quatre. T'as des équipes qui n'avaient pas d'affaires, là. On va se le dire, là. Oui, puis moi, je trouve que. J'aimais la formule où t'as deux wild cards. Je trouve que c'est... moi aussi, je comprends l'idée de la Ligue. Ils veulent mettre, comment je peux dire, Ils veulent mettre plus de challenge pendant la saison pour que plus d'équipes soient en lutte plus longtemps, mais c'était pas nécessaire. Ça marchait bien, la formule. Il y a beaucoup d'intérêt pour la NFL. Les codes d'écoute sont excellentes. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Je pense que c'est une erreur, moi aussi. Okay. J'aurais pas fait ça. Ça a fait critiquer beaucoup. Hein. Moi, écoute, j'ai écouté les trois quarts, moi. J'ai même pas vu la fin de ce match-là. C'était quand même assez controversé de la manière que je crois. Oui, ben écoute, c'est une décision. Les Cowboys, on s'entend là, ont repris le ballon il y avait qu'une minute à peu près, les chances étaient faibles. Mais la défensive de San Francisco extrêmement mal jouée. Ils leur ont laissé gagner quelques premiers jeux. Puis là, d'une façon incompréhensible, Dak Prescott a fait un quarterback draw. Et il a tenté d'aller chercher de s'approcher plutôt de passer du 40 à la ligne de 20 environ. Ouais. Mais il a glissé, mais ils ont manqué de temps. Ils n'ont pas réussi à remettre le ballon en jeu. Alors que moi, je me disais assis dans mon salon, la meilleure option qu'ils avaient là, c'était de lancer deux Hail Mary. Essaye une première fois. Si ça marche pas, t'as une deuxième chance. Si t'es chanceux, peut-être qu'un joueur peut avoir une pénalité, peut-être, tu sais. Mais donne-toi deux chances de lancer ça dans le fond de la zone début. De tenter de te rapprocher au 30 ou au 20 pour faire un Hail Mary d'un peu plus proche, ça te donnait rien. Puis moi, si moi, dans mon salon, je sais ça, je pense que McCarthy va devoir répondre à des questions parce que c'est le risque, quand t'as plus de temps d'arrêt, le risque de pas être capable de remettre le ballon en jeu à temps était fort. Puis écoute, même quand Prescott est parti, les commentateurs américains disaient, voyons, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il fait là? Puis c'était pas une bonne idée. Ouais, écoute. Ils ont raté la gestion, puis les arbitres ont été critiqués, mais c'est pas l'arbitre, c'est qu'il n'y avait pas d'affaire à faire un quarterback draw, c'était un mauvais choix de jeu. Puis ils ont payé pour, puis McCarthy, c'est pas son premier faux pas comme entraîneur. Alors, va devoir répondre. C'est dommage que les Cowboys, leur saison se termine mal. Par contre, les 49ers ont une bonne équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la prochaine ronde pour eux autres. Eux autres vont affronter les Packers de Green Bay. Ce sera pas facile dans le froid. Écoute, les Packers ont un net avantage à cause du froid, Mais les Packers jouent pas toujours bien en série. Ça va être... Je dirais pas, je les éliminerais pas tout de suite, mais moi aussi, je pense que la tâche va être colossale, mais les Packers ont pas toujours bien joué. Je sais pas, ça va être un bon match. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Je pense que la fin de semaine prochaine va nous donner bien meilleur football. D'abord, moi, je pense que la vraie finale, la conférence nationale, on la voit samedi soir. C'est Buffalo. Ouais. Dimanche soir, Buffalo, Kansas City. Écoute, les Bills semblent la mission, là. Ben, OK, honnêtement, je vais te dire une chose. J'écoutais un podcast de Greg Bédard à Boston, là. Moi, je suis d'accord avec lui. Il a dit, lisez pas trop vite dans Josh Allen. Ceux qui pensent que Josh Allen là a joué un très haut niveau, il a bien joué, là, mais les pattes se sont pas présentées. C'est la rare défense que Bill Belichick, Bill Belichick, là, à quelque part, il prépare toujours mieux ses équipes en série. C'est un des pires matchs en série que j'ai vu de Bill Belichick. C'est la pire performance défensive de l'histoire des Patriots, en tout cas depuis les Bledsoe, puis j'ai jamais vu les Pats jouer aussi mal que ça en défensive. Il y avait clairement un problème, puis voici la théorie, juste pour que les gens comprennent, là. Moi, je suis d'accord avec ça, ça vient de Bédard, ça vient pas de moi, mais je suis d'accord, c'est ce qu'on s'est déjà parlé. En début de saison, les Pats ont mal commencé l'année, la défensive était tout croche. Belichick a repris le coaching de la défense pendant la série de 7 victoires. En revenant du bye week, il a dit « OK, on est sur track, ça va bien, je vous donne le coaching de la défense. » Et Steve a gâché la fin de saison. Puis plus ça allait, plus c'était... Alors, c'était un club mal coaché en défensive. Puis Belichick va devoir choisir entre gagner des matchs de football ou former son fils. Puis parce que là, Steve n'est pas à la hauteur du tout. Steve, c'est le fils de Bill qui est celui finalement qui est en charge de la défensive, même s'il porte pas le titre officiellement. Et c'est ce qui s'est passé, ça a mal été. Écoute, ça a été un match horrible des deux côtés du ballon, mais surtout en défensive. Puis ce qui est arrivé là, c'est que on a voulu jouer de la zone soft qu'on appelle, c'est-à-dire Belichick avait pas confiance, on n'avait pas confiance dans les demi-défensifs de l'équipe, surtout avec Jalen Mills sur le protocole de la COVID. Alors, on a voulu jouer de la soft zone en espérant que les Bills prendraient les courts gains, qu'on les forcerait à travailler un peu, et en espérant que peut-être un revirement ou quelque chose comme ça. Josh Allen n'est plus là dans son développement. C'est un bon corps arrière. Évidemment, il les a tronçonnés. Puis on a vu qu'il y avait un manque d'effort. C'est-à-dire que les joueurs défensifs, je pense, ne croyaient pas dans le plan de match. Ils se sont carrément pas présentés, puis ils ont carrément pas travaillé. Puis ils se sont fait défoncer. Ben, c'était quoi le plan de match? C'est pas en attaque, c'est que Mac Jones, on l'utilise le moins possible. Un peu comme il s'est fait à Buffalo, plus que trois passes, par contre, là. As-tu remarqué, Danny, que depuis le fameux match de trois passes, ça a été une grosse erreur, ça. Mac Jones n'a plus jamais été le même après. Puis l'équipe n'a plus jamais été la même non plus. Ben, t'es contre les ça Jaguars, aussi. Mais contre les Jaguars, n'importe qui est capable de battre les Jaguars, quoi. Hein? Exact. Et l'idée de lancer, l'idée d'une, tu sais, t'as un corps arrière recrue qui connaît une bonne saison, l'idée de l'humilier publiquement en lançant uniquement trois passes, c'était pas une bonne idée. Belichick l'a échappé, celle-là. Puis ça a heurté la confiance de Jones qui a pu été. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été le même carrière après ce match-là. Puis on comprend là, qu'il vantait beaucoup, mais on aurait dû lancer un petit peu plus le ballon. Ce match-là, peut-être une dizaine de passes, là, ça aurait été correct. Ça n'aurait pas été une humiliation publique pour lui comme ça l'est devenu après. En tout cas, bref, il y aura bien des choses là, qu'on pourrait dire. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que. Avant de conclure que les Bills sont tant que ça en mission, peut-être qu'ils sont, mais moi je pense que c'est surtout une très très mauvaise performance. Je pense que les Pats ont joué à peu près à la hauteur des Jets ou des Jaguars dans ce match-là. Puis j'attendrai avant de on va voir la semaine prochaine, mais je suis pas sûr moi que les Bills ont une excellente équipe, mais je suis pas sûr qu'ils sont aussi forts que. Ça fait une erreur de penser que c'est parce qu'ils ont été extraordinaires qu'ils ont planté les pattes. Je pense que les pattes ont mal joué aussi. Oui, ils ont bien joué. Après c'est une bonne équipe. Donc, les matchs à suivre également. Qu'est-ce qu'on va. Oui. Les matchs à suivre, ça va être. Moi, je pense que les Rams contre les Buccaneers, ça risque d'être bon. Oui. Les Cards ne se sont pas présentés. C'est une autre équipe qui ne s'est pas présentée. Non, exactement. Lundi soir. Cincinnati-Tennessee. Là, ça va dépendre de Derrick Henry. J'ai hâte. Derrick Henry, les Bengals ont gagné. Hey, c'est la première fois depuis 1991. L'essence était à 58 cents. Oui. Après ça, Robert Bourassa, t'es premier ministre du Québec. T'avais Brian Adams qui a fait un billboard. Hey, c'était incroyable, les Bengals de Cincinnati. Là. Puis, là, mais je pense que, écoute, j'ai hâte de voir ce match-là. Je pense que les Bengals peuvent donner une bonne opposition à Tennessee. Oui. Est-ce qu'on serait si surpris que ça si la semaine prochaine, si dans deux semaines, la finale de conférence, ça serait Bengals-Bills. Tu sais, c'est pas impossible. Là. Les Bengals, moi, j'ai extrêmement confiance. J'ai beaucoup plus confiance en Joe Burrow que j'ai confiance en Ryan Tannehill. On va se dire les vraies affaires. Il a gagné des gros matchs avec LSU. Il était capable de. Et puis, écoute, il a extrêmement bien joué contre les Raiders la semaine passée. Ouais. Tannehill, on le sait, écoute, Titans gagne un peu malgré lui. C'est pas un très bon corps arrière, là, sans vouloir être méchant. Il est très limité, donc il fait pas d'erreur. Par exemple, là, c'est pas quelqu'un qui te met dans le trouble, mais moi, je serais pas surpris que les Bengals. Non, c'est ça. Non, exactement. Mais c'est pas un gars non plus qui tu sais, c'est un peu plus un Alex Smith que n'importe quoi d'autre. Ouais. Il est pas mauvais. Tu peux gagner avec un gars comme ça, mais tu gagneras pas grâce à un gars comme ça. Et moi, écoute, l'attaque des Bengals, elle est vraiment le fun à voir. Donc, je serais pas si surpris, moi, que les Bengals fassent un upset contre les Titans. Bills, Chiefs, c'est dur à juger, honnêtement. Je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on pense. Mais encore là, il y a un upset alert. Je pense que les Bills sont capables de gagner ce match-là. Mais ça va être moins facile. Tu sais, ceux qui pensent, comme je dis, que là, les Bills sont... je modérerais les ardeurs, mais je pense que ça va être un bon match. Moi, les Rams contre les Buccaneers, ça va être un bon match. J'ai jamais gagé contre Tom Brady, là. Ok, non. Puis, honnêtement, ça aussi, c'est la même chose que les Bills. C'est-à-dire que les Cards étaient en déroute en fin d'année. Ils ont très mal joué contre les Rams. Puis, j'attendrai avant de penser à voir trop loin de ce match-là. Parce que je pense que les Cards ont vraiment pas bien joué. Et puis, donc, moi, je sais ça, celui-là, je suis prudent, mais je pense que moi, je gâche pas contre Tom Brady non plus. Les Buccaneers, Green Bay contre les 49ers, ça va être extrêmement intéressant. Ça aussi, je m'attends à un match. Je pense qu'on va avoir quatre bons matchs, honnêtement. Là. Contrairement à la semaine passée, je m'attends. Ça va être la meilleure fin de semaine de la saison, je pense. Oui, effectivement. Hugues, on se reparle la semaine prochaine? Oui. Hugues Fouché qui nous parlait des matchs de la NFL.